Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire de la pop à l'occasion du 50e anniversaire de la venue à Paris des Beatles. Depuis ce début de semaine, nous avons cheminé entre rock des années 70 et 80 avec Michel Imbarec, c'était lundi, entre pop française des années 70 avec le documentaire de Patrick Boudet et de Véronique Samouilov, c'était mardi, et invention de la world music, c'était hier. Or, hier, nous avons bien compris qu'il était fort difficile de trouver en ce domaine des musiques électrifiées des définitions commune des points d'attache entre différents chercheurs sur ce sujet. Car s'il est difficile de définir la world, il est peut-être encore plus de s'entendre sur le thème anglo-saxon de pop musique. En fait, le débat de ce matin revient à développer la question posée il y a plus de 15 ans dans la revue 20e siècle par Bertrand Lemonnier dans un article sur la culture pop en Angleterre dans lequel il disait, il ouvrait cet article en disant « Doit-on prendre les Beatles au sérieux ou comment avoir une approche historique, rigoureuse et distanciée face à ce phénomène de la pop ?» C'est ce que nous allons voir avec Perrine Carvan qui a préparé cette émission avec nous. Olivier Julien, il est maître de conférences en musicologie à l'Université de Paris-Sorbonne. Il est spécialisé dans la musique anglo-américaine. Sarah Picard, elle est maître de conférences à la Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire CROU, laboratoire sur la civilisation britannique. Elle est auteur d'un idée reçue aux éditions du Cavalier Bleu sur les Anglais. Et puis, pas comme tiellement, il est essayiste et auteur récent chez Sonatine d'un recueil de textes rassemblés sous le titre de Pop Yoga. Alors peut-être peut-on commencer justement avec l'un ou l'autre d'entre vous, peut-être avec vous Sarah Picard, sur la naissance anglo-saxonne de cette popular music. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire et comment peut-on voir là peut-être la racine de ce qu'on a appelé plus tard la pop, Sarah Picard? Oui, mais le terme popular music, la musique populaire, remonte bien avant les années 50 et les années 60. On peut remonter même à la fin du 19e siècle, parce qu'on écoutait la musique était populaire même au Moyen-Âge. Donc, en fait, on parlait de popular music, mais ce n'est que vers les années 50 qu'on parle de pop music. Mais avant, la musique populaire, ça pouvait être la musique de la population, faite par les personnes, comme la musique folk. Mais après, on entend parler de pop music, la musique qui est populaire, la musique de masse, la culture de masse, etc. Et toute cette explosion avec la société de la consommation qui a lieu pendant les années 50. Oui, alors justement, à propos de culture masse, on verra tout à l'heure avec Paco Ntielman que vous n'êtes peut-être pas d'accord justement sur cette définition de la culture de masse dans cette période-là des années 50. Mais Olivier Julien, vous diriez quoi justement de cette invention de ce terme, donc passé de popular music à pop music? J'étais très intéressé par ce que disait ma collègue, parce que ça m'a ramené à de nombreuses lectures, notamment la lecture d'Adorno, la lecture de Derek Scott, qui a examiné vraiment la façon dont s'est opéré un glissement sémantique entre popular music au sens de musique folklorique traditionnelle et popular music au sens de musique industrielle, au sens adornien de musique industrielle. Et ça, c'est un glissement qui s'est opéré vraiment dans le monde anglophone au tournant des 19e, 20e siècle. Mm-hmm. On a des textes vraiment dans lesquels on voit évoluer l'acception du terme populaire. Est-ce que la question de l'électrification de ces musiques a quelque chose à voir avec cela, ou est-ce que c'est plutôt la réception en masse de ce type de musique qui change justement, c'est le nombre d'auditeurs, pourrait-on dire, qui change la donne? Bien sûr, c'est une question de diffusion de masse et de réception de masse également, oui. Perrine Carvran. Oui, et d'ailleurs, vous expliquez dans votre article que dès le 19e siècle, il y a eu une bascule finalement et qu'on peut remonter plus loin encore pour cette histoire-là. Selon Adorno, à vrai dire, ces musiques sont le produit de deux événements, deux basculements dans la civilisation occidentale qui sont d'une part l'effondrement du système féodal qui a privé les artistes de leur mécène, de leur protecteur, voilà. Et d'autre part, la révolution industrielle qui a privé ces artistes qui se retrouvaient finalement sans moyens de subsistance, qui les a confrontés brutalement à l'économie de marché. Et donc, selon Adorno, les musiques industrielles, ce sont les musiques qui sont nées de ces bouleversements, c'est-à-dire des musiques qui sont entièrement assujetties aux lois du marché et qui qui accepte, qui entérine la transformation des œuvres d'art en produits de consommation. Si vous voulez. Et puisqu'il est plus simple pour certains auteurs de créer eux-mêmes leur définition de dictionnaire de ce qu'est la pop musique, eh bien, on peut lire en ouverture de votre livre, donc recueil de textes, recueil d'essais, Paco M'Tielemans, qui vient de sortir chez Sonatine, Pop Yoga, à la définition pop, abréviation de l'adjectif populaire, accessible, plaisant, ayant du succès. La culture pop s'oppose à l'idée d'une culture élitiste qui ne toucherait qu'une partie instruite de la population, mais ne se confond pas avec la culture de masse produite par cette dite élite, entre guillemets, en vue de conserver la population dans l'ignorance et la misère. Exemple de culture pop, selon vous, pas continuellement, Rabelais, Harakiri, Twin Peaks. Voilà. Bon, bah, j'ai pas besoin de donner mon définition maintenant. Allez, donnez, mais bon, on peut la développer. En fait, je suis encore en train de chercher ces sources-là, et là, je serais plus en plus partisan de penser que ça vient comme parler. Claude Gagnebé parlait de carnaval comme de la première religion, la religion originelle de l'homme, qui viendrait en fait. On veut dire que ce qui serait comme la tradition primordiale, en fait, dans toutes les religions, ne serait que des expressions, voire des recouvrements, voire progressivement des trahisons. Et la culture pop, en fait, est une culture profondément carnavalesque. C'est un renversement des puissances, des pouvoirs. C'est le power to the people. Et dans cette dimension carnavalesque, donc on peut y faire rentrer autant Rabelais, Harakiri, les Beatles, Twin Peaks, tout ce que vous voulez, en fait, grosso modo, tout ce que vous pouvez trouver qui renvoie à la fois à une source qui est profondément spirituelle et en même temps profondément comique, sarcastique et qui inverse ou on va dire confond les essences du haut et du bas. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire que ceux qui renversent les tables avant la pop, c'est les rockers, d'une certaine façon, Sarah Picard. Or, ce que vous expliquez dans votre travail et dans vos différents articles, c'est qu'en fait, les deux termes se regroupent, se recoupent, se superposent parfois, se distancent l'un de l'autre d'autrefois, mais que pour vous, en tous les cas, ce qui se passe à la fin des années 50 en Grande-Bretagne, c'est que d'un côté, le teenager éclipse le teddy boy, et de l'autre côté, la pop éclipse le rock. Vous pouvez expliquer la différence entre l'un et l'autre, entre ce que Paco M'Tielemans, dans certains de ses textes, dit le rocker, c'est le teenager, c'est donc le côté de la révolte adolescente, tandis que la pop, c'est plus sucré et c'est un retour à l'enfance. Oui, tout à fait. Prenons l'exemple, par exemple, des Beatles, qui étaient au début, ils jouaient du rock. C'était des teddy boys, comme, pas tout à fait. Tout à fait, avec la banane et les vestes en cuir, etc. Et que ce n'est que quand ils sont revenus de Hambourg, ils ont changé de look. Mais avant, c'était des rockers qui jouaient la musique des autres. Ils n'étaient pas les auteurs, compositeurs comme ils sont devenus. Et donc, ils avaient l'influence du rock américain, bien sûr, parce que le rock and roll, ça vient des États-Unis. Et le rock and roll, le terme, c'est l'acte sexuel. Et donc, ils étaient très influencés par la musique noire américaine pour ensuite changer de look pour devenir plus populaire, plus consommateur, plus agréable pour le consommateur et plus accessible, plus pop. C'est une sorte d'édulcoration, selon vous, des valeurs du rock'n'roll, c'est ça ? Oui, et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'ils ont été pris en charge par EMI et par Brian Epstein, qui a essayé de leur rendre plus populaire. C'est une manufacture. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là, justement, Olivier Julien, en tant que spécialiste de musicologie, justement ? Je suis assez d'accord. Disons que les Beatles incarnent véritablement, oui, le sens qu'on a conféré à ce terme de pop dans les années 60. À vrai dire, je suis tombé sur. Vous avez parlé de world music, j'ai entendu dans votre introduction hier. Vous avez peut-être été amené à mentionner Charlie Gillette. Non. Qui était un journaliste historien britannique qui a joué un rôle assez important dans l'exposition de la world music dans les années 80. Et Charlie Gillette, il se trouve également être l'auteur de l'ouvrage vraiment de référence pour quiconque s'intéresse à l'histoire des musiques populaires dans le sillage de l'apparition du rock'n'roll jusqu'au tournant des années 60-70. Et donc Charlie Gillette a passé des années à dépouiller tout un tas de revues spécialisées et il s'est aperçu que cette opposition entre pop et rock, c'est en fait quelque chose qui est apparu en 62-63 au Royaume-Uni et qui a été, mis en avant par des titres britanniques comme le Record Mirror, le Melody Maker. Et à cet égard, je pense, alors ça, c'est pas quelque chose que C'est pas un point qu'avance Guillette, mais je pense que c'était une façon pour les Britanniques de reproduire de façon un petit peu artificielle l'opposition qu'il y avait aux États-Unis entre le marché rhythm and blues, qui était supporté, véhiculé tout un tas de valeurs, d'authenticité, et le marché pop, qui représentait finalement le marché grand public, les 90% de l'industrie du disque. Et donc qui s'adressait à un autre public que le premier, selon vous, ou est-ce que c'était le même public qui était touché par les deux ? Les mêmes publics peuvent être touchés par les deux. Pour preuve, c'est que les artistes de rock'n'roll, quand ils se sont illustrés dans les charts aux États-Unis à leur début, on situe, si vous voulez, l'apparition du rock'n'roll à la capacité de ces artistes venant du rhythm and blues à pénétrer le marché grand public, les charts pop. Et vous, vous dites un peu différemment, Sarah Picard, que ça ne touche pas tout à fait les mêmes personnes, du moins en Grande-Bretagne. Oui, pour la Grande-Bretagne, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le rock'n'roll était quand même quelque chose plus osé, plus, pas révolutionnaire, mais plus contestataire, tout à fait, et qu'on associe avec le rock'n'roll, qu'on a du mal à y croire maintenant, quand Rock Around the Clock est sorti dans les cinémas en Angleterre, que les jeunes arrachaient les sièges des cinémas et jetaient les mégots, et il y avait les émeutes dans les cinémas. Et donc, en opposition, le pop n'a pas du tout cette même puissance et non, le même impact. Et donc, c'est clair que la naissance du pop correspond en Angleterre à la naissance du teenager, qui arrive avec les phénomènes démographiques, économiques, etc. Et donc, la musique pop vise un public jeune, pour moi, vise surtout un public jeune qui a de l'argent, et les jeunes sont plus nombreux, etc. Donc, c'est plus un produit de masse. Périne Caron. Oui, on a l'impression, quand on vous lit, effectivement, qu'il y a presque, dans la naissance de la pop, un désir de régulation. C'est-à-dire qu'il y a le rock qui creuse le fossé et qui est vraiment un espace de contestation que choisit une certaine partie de la jeunesse pour s'opposer à la génération qui précède. Et puis la pop, ce serait une manière d'arrondir un peu les angles, de faire une musique qui serait pour la jeunesse, mais pour une jeunesse pas forcément en rébellion. Oui, je crois qu'il faut penser à la production et la consommation de cette musique. Et derrière le pop, il y a un effort de la part des maisons des disques et des producteurs de créer cette musique. Or, on associe plus le rock à l'autodétermination dans sa musique. Olivier, Julien et puis Paco Mielmont. Oui, c'est vrai que là, les points que vous avancez, on retrouve beaucoup des critères sur lesquels se basait la presse britannique précisément pour opposer les artistes rock, pop, prétendument les artistes rock qui mettaient en avant des critères d'indépendance, qui devaient être signés sur des labels indépendants. Mais le fait est que quand on y regarde de près, tous les artistes qui sont présentés comme des artistes rock à l'époque par la presse britannique, eh bien, ils sont tous signés sur des grands labels, des majors en réalité. Pas contre, oui, moi je suis pas très sensible en tout cas à ces critères de distinction, dans le sens où le caractère politique qui serait attribué à la différence entre rock et pop en fait se dilue très vite par rapport à leur histoire. Et dans la culture pop, il y a des figures qui sont tout aussi terrifiantes, dangereuses, qui sont des contestations non seulement de l'autorité des parents. En fait, si on peut, je peux être d'accord avec vous, c'est le côté, la différence. Le rocker peut-être en veut à ses parents, l'artiste pop en veut à l'ordre du monde, si vous voulez. il en veut à la fonction, façon dont le monde fonctionne. C'est qui c'est par exemple vous, l'artiste paradigmatique de ça, c'est quoi? C'est Frank Zappa par exemple? Frank Zappa, bien sûr, oui. Et Frank Zappa, est-ce qu'il correspond encore aux critères même qu'on entend par pop? C'est une sorte de sur-pop ou d'extra-pop, quoi. Ouais, si on invente en plus, si on invente l'extra-pop, l'hyper-pop et Sarah Picard. Je crois qu'on est encore en train de faire un autre mélange entre rock'n'roll, rock et pop, parce que rock'n'roll et rock, ce n'est pas la même chose. On commence par le rock'n'roll et après... Il y a toute une culture rock, vous voulez dire. Oui, une culture rock, mais le terme rock tout seul monte en puissance et qui après se décline dans plein de sortes de rock différents, entre punk et hard, etc. Mmh. Mais il ne faut pas mélanger rock'n'roll et rock. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur l'idée qu'en fait, la pop comprend toutes les autres musiques, en fait le rock'n'roll est un type de musique, la pop est un rapport aux autres musiques, puisqu'à partir du moment où on fait de la pop, par exemple, on fait rentrer le sitar, on ne peut pas mettre du sitar dans le rock'n'roll. Oui, on ne peut pas mettre du clavecin dans le rock'n'roll. Ça, c'est votre idée, pas complètement, que le pop, en fait, ça n'est pas seulement l'héritage, la récupération des héritages des musiques noires, donc passées par l'Amérique, c'est-à-dire le rock, le jazz et le blues, blues, mais que c'est le rock, le jazz et le blues et toutes les autres musiques qu'on intègre ensemble pour pouvoir faire de la pop. C'est ce que vous pensez. Disons que the sky is the limit, quoi. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que vous avez des types de rock qui sont quand même pas populaires, ou des musiques alternatives qui ne sont pas très accessibles au grand public. Et donc, je ne vois pas comment ces musiques-là peuvent être populaires. On va écouter un extrait tout de suite d'un film qui apparaît comme un film pop. C'est « Mais qui êtes-vous, Pauli Magou ?» de William Klein. Ça date de 1966. Alors, vous dites, voilà, je suis Pauli Magou, vous faites ceci, vous allez là, vous tournez même le doigt à la caméra, ça n'a pas d'importance. Bon, par exemple, le téléphone sonne. Alors, vous répondez, et puis Jean-Jacques vous posera des questions, vous répondrez. Ok ? Vous comprenez ? C'est amusant, non ? Oui, c'est amusant. Qui êtes-vous, Pauli Magou, en première ? Qui je suis ? Je suis Pauli Magou, la fille de Molly et Mac Magou. Agent de police à Brooklyn, ville de New York. Quand j'étais petit, j'étais très laide. J'avais plein de taches de rousseur et dents de lapin. À New York, un dentiste m'avait demandé $2,000 pour ranger mes dents. C'était trop cher. Alors, je laisse ma bouche ouverte comme Pat. Pat, c'était mon lapin. Mais il est mort. C'est mon oncle, Mac McGregor Magou, qui me l'a donné. Ma tante, Patricia McGregor Magou, m'avait dit qu'il ne fallait jamais boire de l'eau en France, ni manger de salade, et qu'il ne fallait surtout pas... Couper ! Mais pourquoi, mon Dieu, c'est formidable. Formidable, je veux dire. C'est ça que t'avais ? Eh oui, c'est ça que j'avais. T'avais demandé un gros plan. Bon, ben fallait le dire, faut savoir ce que tu veux. Il n'y a pas le cinéma à la radio, ça n'est pas mal du tout. Donc, Mais qu'êtes-vous, Pauli Magou, un film de William Klein de 1966, tourné dans plein dans ces années pop et qui nous raconte une histoire donc, entre mode et cinéma, donc, qui raconte aussi que la culture pop va au-delà de la simple musique pop, en l'occurrence Olivier Julien. Oui, en effet, tout ça, je fermais les yeux, ça m'a renvoyé naturellement à ces taches d'or dans l'histoire londonienne du Swinging London. Londres a été la capitale mondiale des musiques, des arts plastiques également, de la mode. C'est Blow Up d'Antonioni, c'est l'arrivée sur le territoire national de notre Jane Birkin national désormais, etc. C'est tout ce qui tourne autour de ça. Non, mais c'est comment Serge Gainsbourg récupère aussi ce signe du Swinging London, Sarah Picard. Et bien sûr, et par exemple dans la mode avec Mary Quant et le mini-jupe, la musique, c'est culture populaire se décline dans plusieurs sortes de domaines. Oui, pour vous, pas comme c'est le cas aussi. C'est-à-dire que ça va au-delà de la simple musique. Bah bien sûr, oui. Bah de toute façon, ça part. Enfin, disons, la musique est centrale dans le sens où, si on continue à poursuivre cette hypothèse, en tout cas, que tout ça renvoie à, on va dire, la première spiritualité de l'homme, elle est tout le temps définie au départ par une note de musique, par une note de musique qui peut être aussi le pet de l'ours. Hein. Peut-être que c'est quand l'ours pète, l'ours sort de la caverne, pète et il fait un son qui est le home de la tradition primordiale, si vous voulez, et dont toutes les musiques vont se décliner. Donc il y a toujours une base musicale. De toute manière, on pense toujours la tradition primordiale comme étant portée par des nomades à travers le monde, et des nomades qui ont porté cette tradition à travers des poèmes ou des chants, à travers une tradition orale qui passe par des poèmes et des chants. Donc la musique est au centre, mais après ça se décline partout. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que vous dites, Olivier Julien, c'est qu'effectivement, Londres devient une capitale mondiale, en l'occurrence, ça l'a toujours été pour beaucoup d'autres domaines, mais en l'occurrence, capitale mondiale de ces arts, et c'est là où on va passer, c'est là où on va venir, c'est là où les pop, où les gens de la pop américaine vont venir se ressourcer, c'est là où Jimi Hendrix va venir jouer, va venir se faire découvrir du reste du public européen et mondial, c'est là où des gens du monde entiers vont venir jouer, partager, travailler ensemble, en l'occurrence Olivier Julien. Oui, en effet, Hendrix qui va me mettre découvert par un musicien anglais, Chandler, le bassiste des Animals, un musicien britannique. Et oui, Londres ira même jusqu'à attirer, vous savez qu'à l'époque, il y avait à vrai dire deux scènes rivales au Royaume-Uni, qui étaient en gros Liverpool avec toute la scène du Merseybeat et la région de Londres. Et Londres ira jusqu'à attirer les représentants de la grande scène rivale, Liverpool en l'occurrence, les Beatles bien sûr. Oui. Sarah Picard. Oui, l'importance des écoles d'art dans ces phénomènes qui sont d'une source de créativité et donc pas de production artificielle venant de l'extérieur, mais des créativités originales qui est née à Londres. Et ça, vous le mesurez comment, justement, l'importance des écoles d'art? On peut historiquement dater, voir comment ces milieux s'interpénètrent, travaillent ensemble, participent à la création soit des affiches, soit des pochettes de disques, par exemple, Olivier Julien? À vrai dire, les écoles d'art, on a pour habitude de... Enfin, les fameuses art schools, on a pour habitude de dire que peu de grands peintres en sont sortis, mais qu'en revanche, elles sont devenues de véritables pépinières de rock. On ne compte pas le nombre de musiciens de rock qui étaient étudiants dans des art schools quand ils ont fondé leur groupe, les frères Davis, hein, des Kings, Syd Barrett même était aussi dans une art school, John Lennon est passé par une art school également. Perrine Cavran. Est-ce qu'on peut dater ce moment où la pop musique, qui au départ était donc quelque chose de commercial, de lisse, qui a été fait pour vendre et plaire au plus grand nombre, et à partir de quel moment cette pop musique devient quelque chose au contraire de plus libre, de plus indépendant, d'un peu plus sauvage, et puis qui englobe pas uniquement la musique et qui s'intéresse au reste? Est-ce qu'il y a un moment de bascule? Pour moi, le moment de bascule de type civilisationnel, c'est Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. C'est là où la pop devient du grand art, quoi, un grand art. Et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ce qui le spécifie en dehors de toutes ces inflexions musicales, tout ce qu'il comprend en termes de musique, de poésie aussi dans les paroles, c'est aussi que sur la pochette, il présente quasiment un panthéon qui dépasse toutes les catégories de type musical. Donc il va de Carl Jung à Karl Marx. Il voulait même avoir Hitler en couverture. Jésus et Gandhi ont été refusés par EMI. Olivier Julien. Enfin, la vraie dire, c'est le panthéon surtout de la contre-culture. C'est encore quelque chose. Mais je suis tout à fait d'accord. Moi, ça représente un sommet. Je pense que la pop musique n'a plus jamais été la même après ce disque, malheureusement. Oui. Comme dans les émissions donc de rugby ou de football, ce titre a mis tout le monde d'accord, comme on dit généralement dans ces cas-là. Donc, toutes les divergences ont pu être effacées, en l'occurrence avec ce Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Perrine Cavran. Et alors, les uns ou les autres, comment est-ce qu'on passe donc des premières chansons des Beatles, qui sont quand même des bluettes assez sucrées, qui n'ont pas apporté énormément par rapport à cet album-là, comment est-ce qu'on passe cette première pop musique très sucrée, très près comme le yéyé en France, quoi, très insignifiante, j'ose le dire, à ce qui est devenu ensuite la pop, ce dont on parle là. Vous avez plusieurs manières d'envisager le problème. Ou vous essayez de trouver des influences qui seraient des influences de type chimique, drogue, ça c'est sûr, par exemple, ou de type de découverte musicale, via George Martin dans un premier temps, qui peut ouvrir les Beatles à plein de types de musique différentes, et leur propre curiosité qui fait que lorsque Paul McCartney, par exemple, il écoute un disque de Bach, il vient ensuite au studio et il dit « Est-ce qu'on pourrait avoir une trompette comme ce que j'ai entendu hier ?» Ou on peut aussi avoir une idée plus... global, cosmique, poétique. On pourrait dire qu'il y a le temps d'incubation pour, par exemple, Lennon de Lewis Carroll et de James Joyce, et la rencontre de Bob Dylan qui fait que d'un coup, peut-être que sa propre poétique peut commencer à s'exprimer. Et donc, une poétique là, vraiment britannique, liée aux limericks, aux nonsense, toute une dimension d'absurde très importante. Et tous ces facteurs-là font que... Infuse. Et puis surtout, de l'autre côté, il y a une très bonne réception, quoi. C'est-à-dire que les temps sont prêts pour ce type de musique. C'est quand même, il faut se souvenir, c'est le Summer of Love de 67 en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Olivier Julien, justement, de ce moment-là, ce moment 1967, Sgt. Pepper's, et puis l'importance de ce tournant à l'intérieur même de ce qu'on appelle la pop music? Alors, l'importance des drogues psychédéliques en particulier dans la maturation, l'évolution des Beatles, c'est important en effet. Mais je pense qu'à la différence des musiciens américains, vous savez, quand on pense à la scène de San Francisco, Grateful Dead, beaucoup de groupes qui étaient quand même très désordonnés, qui avaient même du mal à s'accorder, du mal à chanter juste. La différence, c'est que les musiciens britanniques étaient très encadrés. C'était quand même un milieu très, très rigoureux, le milieu des studios d'enregistrement. Et je pense que c'est ça qui les a... qui fait qu'au bout du compte, leurs disques ont quand même bien mieux vieilli. Je pense au premier Pink Floyd, également, bien sûr, aux albums des Beatles. Et vous, Sarah Picard, dans votre travail, vous faites bien la différence, la distinction à l'intérieur du travail de l'œuvre des Beatles entre ce premier Beatles, même ces deuxième Beatles, et ces troisième Beatles que sont justement les Beatles d'après 1967 et de ce moment, Sgt. Pepper's. Je suis tout à fait d'accord avec mes collègues, bien sûr, non seulement sur... Ça met tout le monde d'accord. Avec la couverture de Peter Blake, on revient aux art schools, mais aussi le fait qu'il y a aussi la découverte de soi-même, largement aidée par la drogue, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont mûri, ils sont plus âgés, ils ne sont plus les teenagers eux-mêmes. Oui, c'est la fin de la vingtaine, ils sont entre 20 et 30 ans à ce moment-là. Et donc, ils ne rentrent plus dans les créneaux teenagers eux-mêmes. Et je pense que ce qui est intéressant avec les Beatles, c'est par rapport à d'autres groupes pop, c'est qu'ils étaient les auteurs de leur propre musique. Et donc, je pense qu'ils avaient plus de marge pour changer le temps venu de type de musique. Et après, le mort de Brian Epstein, etc. Et donc, ils avaient plus de marge de manœuvre pour cette créativité qui est venu. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que disait Paco Mitellement, les temps sont venus d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on peut se permettre en 1967 d'avoir ce type de proposition, comme on peut se permettre d'avoir Jimi Hendrix, Olivier Julien, c'est-à-dire des propositions qui sont très éloignées à 5 ans de distance de la naissance, ou à 7 ans, 8 ans de distance, de la naissance même du rock'n'roll, en l'occurrence, de ce qui a donné naissance à cette pop musique, c'est-à-dire une sorte de concentration dans le temps, très rapide, justement, et un caractère performatif, une autre musique née et écoutée en grand nombre. Oui, alors ça, il y a certainement beaucoup de facteurs qui permettent d'expliquer ça. Ça me ramène à j'avais invité une collègue britannique qui a vécu cette époque, qui avait 20 ans en 66, l'an dernier pour une conférence à la Sorbonne. On discutait tous les trois avec un collègue qui lui avait une cinquantaine d'années, moi j'en avais une petite quarantaine, et on est tous tombés d'accord sur le fait qu'il s'était passé quelque chose, mais d'inexplicable, de magique. Oui, mais ça c'est au milieu des années 1900. On essaye. Pas beaucoup. L'historien n'aime pas entendre. L'historien n'aime pas entendre ce mot de magique, d'inexplicable, de magique. Il voudrait bien comprendre. On a eu le paix de l'ours, si maintenant on a la magie. Moi, je dis cette émission va par à vol. Je préférais en rester à la magie, je trouve ça un peu plus poétique. Mais non, si on veut avoir une approche un peu plus terre-à-terre, il est évident que le succès commercial considérable des Beatles a été un facteur absolument déterminant. Tous les groupes ne se sont pas permis de telles excentricités quand même. Mais le succès commercial des Beatles était tel qu'à l'époque de l'enregistrement de Sgt. Pepper, vous savez qu'ils pouvaient se permettre de faire annuler une réservation de studio qui avait été faite par un concurrent un mois auparavant, s'ils avaient une envie, une inspiration, comme ça, qui les prenait au milieu de la nuit. Pas comme tellement. Il y a un facteur qui est important aussi, à mon avis, c'est le développement d'un support d'expression qui est l'album. Et en fait, l'album existe depuis plusieurs années, mais on dit que Sgt. Pepper est le premier concept album. Par ça, c'est aussi long et chiant à définir que ce que c'est que la pop. Un concept album, c'est très compliqué. J'ai essayé plusieurs fois avec des amis de me prendre la tête sur cette question-là. Mais je pense simplement que ça veut dire que c'est un album. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on écoute chez soi. Donc, c'est l'idée de l'auditeur seul. Et ça, c'est important. Et en fait, ce qui permet aussi le chef-d'œuvre de la pop, Sgt. Pepper, c'est, on va dire, l'invention de la solitude. solitude dans la culture populaire. La culture populaire s'adressant à des hommes ou des femmes seuls. Les singles, c'est des choses qu'on écoute souvent sur des jukebox, dans la voiture pendant qu'on conduit, ou sur lequel on danse. C'est des trucs qui sont aussi faits pour rencontrer des gens. Quand on écoute un morceau de rock, c'est pour danser ou c'est pour aller à la rencontre, pour se battre. Enfin bon, c'est au moins pour avoir un contact. Les concerts aussi, c'est des lieux de rencontre. Les Beatles arrêtent les concerts et se concentre sur l'album. C'est donc, grosso modo, ils s'adressent à chaque fois à une personne toute seule. Et c'est pour ça aussi que leur musique devient beaucoup plus intériorisée. Ça raconte beaucoup plus quelque chose qui est de l'ordre de la... Je vois la moue de Sarah Picard et je vois peut-être l'air un peu et distant, disons-nous, d'Olivier Julien. Bon. Non, c'est vrai que vous me rappelez, en tous les cas, que j'écoutais Icos dans le noir chez moi, pour pouvoir, justement, Icos des Pink Floyd, parce que, justement, c'était un album que je voulais écouter seul d'une certaine façon. Icos et les variations. J'ai jamais écouté les variations. Olivier Julien. Non, cette histoire d'album, de rapport au support phonographique, évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Mais non, je souriais parce que ce que vous évoquiez tout à l'heure à plusieurs reprises m'a ramené à nouveau à cette histoire d'opposition un peu factice entre pop et rock que construit la presse britannique. Notamment, vous soulignez tout à l'heure que les Beatles étaient les auteurs de leurs propres chansons. Ça, c'est vrai que c'était, à vrai dire, une caractéristique de la scène britannique. Peu de musiciens de rock'n'roll américains s'étaient illustrés dans l'écriture de leur propre matériel. Et ça, c'était précisément l'un des critères sur lesquels se basait la presse britannique pour décréter que tel artiste était un artiste rock et non pas un artiste pop. Or, les Beatles, les artistes pop par excellence, écrivaient tout leur répertoire. Sarah Picard. Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait l'anomalie qu'on associe aux Beatles, parce que même s'ils sont mainstream, commercial et populaire, ils plaisent, ils sont accessibles, tous ces adjectifs qu'on associe à la musique pop, ils sont quand même une exception parce qu'ils créent leurs propres chansons et ils écrivent, sont des auteurs-compositeurs. On a compris qu'on avait en la personne de Paco Mthielman, frère Paco, donc frère Paco est un exégète de la pop, et donc il est capable de nous faire l'exégèse aujourd'hui de I Am The Walrus. Donc frère Paco, qu'est-ce que nous avons avec I Am The Walrus ? I Am The Walrus, c'est disons que c'est une chanson d'anamnèse, c'est la chanson d'anamnèse la plus accomplie des Beatles. Anamnèse dans le sens où, de toute façon, il y a une dimension dans les paroles des chansons des Beatles et surtout du point de vue de Lennon des chansons qui est de l'ordre de la révélation et de l'ordre de la révélation où, grosso modo, il ne sait pas exactement ce qu'il écrit. Il écrit ça plus tard. Bah oui, On pense un peu à la drogue, hein, comme vous dites si vous voulez, mais vous pouvez penser à la drogue, vous pouvez penser à la poésie. Dans la poésie, c'est pareil. Le sens, ou à la transe. Le sens vient, ou à la transe, bien sûr. En fait, tout ça pourrait renvoyer à simplement la voix bicamérale, l'esprit bicaméral, c'est-à-dire la voix qui aurait disparu un moment dans l'histoire de l'humanité quand serait apparue la conscience, la voix du cerveau droit. Et donc, c'est le cerveau droit qui écrit à ce moment-là. Et chez Lennon, c'est démontré. Il y a une interview où un espèce de journaliste qui veut faire le malin dit « Vos fans trouvent dans vos chansons plus de sens qu'il n'y en a forcément ». Et lui casse direct et dit non, ils y sont. ils y sont pendant qu'on écrit, on ne sait pas exactement tout le sens que ça prend, mais ce sens-là, on le sait après coup. Et dans I Am the Walrus, il n'a cessé de faire la propre exégèse de sa propre chanson, puisqu'après, il a, dans une autre chanson, il va dire « Le morse, en fait, ce n'est pas moi, c'est Paul ». C'est dans Glass Onion où il fait « J'ai encore un indice pour vous, le morse, c'était Paul ». Vous savez que c'est à partir de ça que est parti tout le délire sur la mort de Paul McCartney. Mais le morse, ça recoupe Alice au Pays des Merveilles, enfin, de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que ça recoupe à la fois Humpty Dumpty, l'homme œuf, et puis le morse, du morse et du charpentier. C'est aussi un chant de culpabilité, parce que le morse, c'est celui qui a mangé toutes les petites fans, toutes les petites huîtres, hein. Donc, mais qui regrette son geste, à la différence du charpentier. Moi, il pleure après qu'il a il mangé. Il pleure, et donc c'est aussi le moment où les Beatles, enfin, Lennon dit « J'ai trop été une star de rock, je regrette, je vais vous offrir autre chose ». Et au bout du compte, le morse, c'est surtout celui qui est la somme, enfin, qui est l'élément qui dépasse la somme des Beatles. Voilà. C'est-à-dire, c'est le cinquième terme. On a donc le sermon de Frère Facon est terminé. Il aurait pu durer plus longtemps, mais en l'occurrence, tout de même, Olivier Julien, on voit bien aussi qu'il y a là aussi un art qui atteint une masse critique. Il y a les supports nécessaires, la télévision, la phonographie, les journaux qui accompagnent toute cette culture-là. Il y a toute la dimension commerciale aussi qui intervient, le merchandising, etc., qui tourne autour de ça. On est arrivé à un moment d'acmé, pourrait-on dire, où tout est possible parce que justement, on atteint une masse critique suffisante. Oui, et puis c'est l'accession également de la génération du baby-boom. Vous savez qu'on évoque souvent le fait que la génération du baby-boom, c'est celle qui a accompagné l'essor du rock'n'roll. Bon, en fait, quand on y regarde de près, les âges des premiers baby-boomers ne faisaient qu'ils n'étaient pas en état d'acheter des disques lors de l'apparition du rock'n'roll. En revanche, en effet, la seconde moitié des années 1960, c'est vraiment l'arrivée à maturation de cette génération. Oui. Sarah Picard. Oui, et puis... Les jeunes, à ce moment-là, ils avaient plus de temps libre et plus d'argent à dépenser. Parce qu'en Angleterre, par exemple, la semaine de travail a rétréci. Et donc, il y avait plus d'argent, plus de temps libre. Et donc, ils étaient plus disponibles à s'investir dans cette musique populaire. Et alors, il y a tout de même une particularité, pourrait-on dire, sur laquelle vous travaillez vous-même, Olivier Julien. C'est la tension, voire l'écart, peut-être même le fossé, aussi large que la Manche, entre cette culture populaire, cette pop britannique, et puis la France. Vous interrogez sur le fait même que d'ailleurs, on ne parle pas de musique populaire en France quand on parle de cette musique-là, alors que ça serait la traduction littérale, pourrait-on dire, de pop musique. On ne le fait pas. Et vous dites, en fait, il y a comme une sorte d'incompréhension, et vous attribuez ça à la question du texte en particulier, et des auteurs de chansons de ces années-là, qui, selon vous, seraient plus intéressés par la publication par papier surécrit de leurs textes, de Prévert jusqu'à Gainsbourg, que par la publication phonographique de leurs œuvres, en l'occurrence, Olivier Julien. Oui, enfin, plus intéressé en forçant le trait, mais oui, cette question de l'attention particulière qu'on porte au texte dans la tradition, disons, dans le fleuron de notre culture populaire, en l'occurrence la chanson, c'est une particularité. Quand on vit dedans, on n'a peut-être pas toujours le recul nécessaire pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose d'assez curieux ici. Mais quand vous parlez avec un Britannique, vous lui parlez de la collection Musique et Poésie, par exemple chez Segers, le fait que les trois premiers volumes aient été publiés même dans la collection directement Poètes d'aujourd'hui, vous savez, Umbrel, Ferré, je crois, et Brassens, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Les anglophones ont une approche tout à fait pratique, si vous voulez, des paroles. L'important, c'est la dimension orale, si vous voulez, de ces paroles. Et c'est vrai que, vous savez, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Bon, ben, musique actuelle, je sais pas, toutes les étiquettes qu'on a eues, musique amplifiée, je crois qu'il y a eu une opposition Province Paris par rapport à ça, musique populaire moderne, on a essayé beaucoup de choses. Et finalement, on en est arrivé aujourd'hui dans l'université française, enfin parmi les gens qui travaillent sur ces musiques, à prendre l'habitude de préciser que l'on parle de musique populaire, qu'on travaille sur les musiques populaires, mais au sens anglophone de popularité. C'est-à-dire quoi Perrine Carmont. Oui, vous dites aussi, Olivier Julien, que c'est un rapport avec l'arrivée du tourne-disque, que finalement, il y a eu un décalage aussi là en France par rapport à d'autres endroits, qui a eu un impact très fort sur la diffusion de la musique justement qui s'écoutait sur disque. Oui, ben, vous savez que le premier tube de Gilbert Bécaud avec De la Noé et Mes Mains en 52, Bon, Gilbert Bécaud, c'est quelqu'un que j'ai connu en activité, donc ça me parle. C'était un tube d'édition. Le petit format, comme on disait à l'époque, s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et à cette époque, en effet, en 52, bon, l'industrie du disque américaine était en train de... L'industrie de la musique, pardon, américaine, était totalement en train de se recentrer autour du support phonographique. Et j'engage d'ailleurs tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur le rock et la pop à travailler sur la réception différenciée à l'intérieur d'un territoire aussi vaste que la France de cette musique-là, parce qu'évidemment, il faut quand même se souvenir que peu d'émissions de radio, par exemple, diffusaient ces musiques dans les années 60. Il y en avait quelques-unes, et à partir de 65-66, encore un peu plus sur toutes les antennes. Mais néanmoins, c'était assez compliqué de pouvoir les écouter, ces musiques-là, et encore moins, évidemment, de concerts ou de tournées dans l'ensemble du pays. Il y avait quelques points, quelques endroits sur lesquels on pouvait donner des concerts. Donc la réception n'était évidemment pas la même du côté du Rhône ou du côté du Bordelais qu'à Paris ou dans une grande ville comme Lyon, par exemple. En l'occurrence, ça serait intéressant d'y travailler. Je vous propose aussi d'écouter tout de suite celui qui a fait de la pop à la française, à savoir Serge Gainsbourg, mais inspiré évidemment par une autre icône de la pop, à savoir Mickey Mouse. Mickey Mouse, yeah, yeah, yeah. Mickey Mouse, yeah, yeah, yeah. Forever let us hold our banner high, high, high, high. Come along and sing the song and join the jamboree. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Viens petite fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Oui. Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, shabam, pow, blop, whew. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait... Vlam, ça fait... Splash, et ça fait... Stop, ou bien... Bang, ou... On, parfois même... Zip, shabam, pow, blop, whew. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire... des bulles, viens faire des... Whip, des... Clip, crack, des... Bang, des... Blop, et des... Zip, shabam, pow, blop. Voilà donc pour le comic strip de Gainsbourg avec Birkin, je crois que c'est Birkin, mais on pourrait débat, en discuter. Il y a un débat. Il y avait un débat pendant le... Donc le comic strip de Gainsbourg qui rend compte aussi de cette culture multiple aussi. Il y a la culture évidemment musicale, mais il y a aussi ce qu'on lit, Barbarella, toutes les inventions de la bande dessinée de ces années-là. Donc 1965, 66, 67, Jean-Claude Forest, le film qui est adapté avec Jane Fonda, par exemple, qui vont nourrir cet imaginaire, en l'occurrence Olivier Julien. Oui, ben là, ça renvoie à l'acception qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la culture de masse, quelle que soit la forme qu'elle prenne. En outre, le fait que vous ayez évoqué tout à l'heure, avant de lancer l'enregistrement, la période pop de Gainsbourg, c'est à mon avis pas anodin non plus, si naturellement, cette période, il l'a entamée en commençant à aller enregistrer à Londres. Bien sûr, il a travaillé avec les musiciens londoniens dans ces années-là. Alors, il y a cette dimension à la fois cinématographique, d'image, de musique, mais il y a peut-être là un point de discorde, c'est que vous pensez, vous, Paco Mthielman, que cette culture pop, pour vous, cette pop musique ou la culture pop telle que vous l'entendez, commence plus ou moins en 67, on est à peu près d'accord, donc autour de cet album des Beatles, Sgt. Pepper, mais se termine en 73. Pourquoi vous avez décidé que c'était 73 la fin de la pop, alors c'est qu'aujourd'hui, on a le king of pop, c'était Michael Jackson, etc. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, qui fait que cette culture ou cette pop musique, selon vous, ça ne s'arrête que de, ne va que de 67 à 73, 6 ans? Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, en 73. 73, parce qu'il faut mettre une date, c'est entre 72 et 75, quoi, grosso modo. Moi, j'étais parti de... Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était une déclaration de Zappa par rapport au changement de type du producteur. C'est Zappa qui disait, il y a eu de la très bonne musique qui a été enregistrée à la fin des années 60. Beaucoup de très bonne musique, beaucoup de musique très originale. Et il disait pourquoi ? Parce que les types qui tenaient les maisons de disques, c'était ces messieurs à gros cigares qui n'écoutaient pas les disques et qui disaient juste si ça marche, tant mieux. Et il disait, on était, avec ces types-là, on était plutôt bien en fait. Parce que grosso modo, ils sortaient par hasard un bon disque. Ce truc-là fonctionnait. Et puis il disait, je ne sais pas pourquoi, bah, on continue. Mais à un moment... Dire que du moment où il y a eu des directeurs artistiques, c'était la mort. Exactement, c'était foutu. Et en fait, c'est un phénomène qui traverse les arts, en fait. Ça traverse les arts. Tous ne sont pas datables à la même période. Mais on va trouver des équivalents dans le cinéma, dans la bande dessinée, tout ça. Dans toute la deuxième moitié des années 70, en fait. Et on va voir aussi beaucoup d'artistes qui vont s'arrêter à ce moment-là, sans trop savoir exactement pourquoi, précisément. Je pense à Lennon de 75 à 80, Miles Davis de 75 à 81, Philip K. Dick quand la voix sort de son cerveau là, en 76 ou quelque chose comme ça, jusqu'à 80, Donny Hathaway. On trouvera un paquet qui vont vivre cette période-là sur un mode de totale dépression. Et c'est parce qu'ils se rendent bien compte que quelque chose est en train de leur échapper, à savoir que dans un premier temps, la pop, c'est quelque chose qui venait d'en bas. C'était des gens qui jouaient dans des clubs, et puis il y avait des talent scouts qui les trouvaient et qui les ramenaient dans les productions parce qu'ils voyaient que les types autour, ça leur plaisait. Et après, on va commencer à les faire par soi-même. C'est pour ça que je différencie ici la culture populaire de la culture de masse. Je dirais la culture de masse, ça serait celle qui serait créée par les directeurs artistiques, quoi. Mm-hmm. Et c'est Périne celle-là qui me Cabron. Pose problème. Et comment, à votre avis, comment on peut expliquer le fait que, au départ, on est parti de la pop musique et finalement, ce concept de pop peut s'appliquer, on l'a dit, hein, au cinéma, à la bande dessinée, aux vêtements, à plein d'autres choses que la musique, alors que par exemple, ce n'est pas le cas pour le rock ou pour le funk ou pour d'autres genres musicaux. Comment ça se fait que ce genre musical finalement soit devenu un genre qui peut s'étendre à beaucoup d'autres domaines? Olivier Julien. C'est-à-dire que là, on va en revenir à nos désaccords de départ. Oui, mais c'est marrant. Du début d'émission, parce que vraiment le sens où moi j'entends ce terme de pop aujourd'hui encore, au sens où on l'emploie même dans des magazines comme Billboard, c'est une espèce d'étiquette commerciale dans laquelle vont précisément s'inscrire des genres comme ceux que vous venez d'évoquer, comme le funk, comme le... C'est une question de succès, de dimension, d'importance du succès commercial, comme le disait ma collègue tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'il y a des groupes rock dans les milieux indépendants qui vendent 5000 exemplaires par pays. Vous savez, des groupes comme Stereolab, des choses comme ça. Donc là, c'est vrai qu'on peut se demander finalement, est-ce que ce sont vraiment des groupes populaires, des groupes pop? Mmh. Sarah Picard, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe aussi, c'est que... Dans le milieu des années 70, on peut dire qu'on n'est plus dans le swing in London du milieu des années 60, que le tour d'une certaine façon de Londres est passé dans ce domaine de fusion des arts que vous avez décrit au tout départ, et que peut-être aussi, effectivement, c'est en train de migrer vers ailleurs, vers d'autres lieux de production. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Ou la crise qui touche la Grande-Bretagne dans ces années est très importante? Là, j'étais sur le point de le dire, je pense que l'Angleterre rentre dans une période économique et politique difficile et dure. On est frappé par une crise économique importante. Chômage de masse, inflation, baisse fermeture d'usines, etc. Pendant les années 70, qui vont aller vers l'ère Thatcher, qui fait qu'il y a une autre ambiance dans le pays aussi. Hein. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le mot authenticity, oui, dans la musique. Et je pense que c'est quelque chose dont on parle de la pop, il manque quelque chose d'authentique dans le sens... Il le manque ou au contraire, il le refuse. Bien parce sûr. Que la question de l'authenticité dans la musique, ça lui donne une espèce... C'est une question qu'il y a une sorte d'historicité. Tandis que la pop, elle est directement sur un plan mythique. Donc du coup, le terme d'authenticité n'a plus vraiment de sens. On est beaucoup, beaucoup plus de choses, potentiellement, virtuellement, que la source historique dont on provient. La folk musique peut être authentique, le rock and roll peut être authentique, mais la pop, si elle se renvoie à la fois au sitar de Ravi Shankar, ou au clavecin, ou à la trompette de Bach, elle n'a plus besoin de ce critère-là. Elle est sur un plan cosmique ou mythique. Là, vous êtes, c'est le mode de votre... Voilà. Et oui, Sarah Picard. Oui, mais je pense aussi qu'il faut aussi mettre une opposition entre popular culture et counterculture. Et on n'a pas parlé de ce terme aussi, que quand on est populaire, quand la pop musique, on ne cherche pas... exception prise avec les Beatles, on n'est pas dans l'idée d'aller à l'encontre de... de traverser les normes sociaux, etc. Et que dans le rock, on peut le faire, non ? J'ai beaucoup de soucis avec ce type de différence parce que on peut très bien penser aussi que les mecs qui font du rock font ça pour le fric. Bien sûr. C'est pas aussi clivé que ça. Olivier Julien, vous, comme arbitre des élégances dans ce débat entre les deux autres de cette. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, justement ? Non, j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Je vois qu'on revient à cette histoire de contre-culture. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de. Je ne vais pas dire confusion, ce n'est pas le terme exact, mais de. De flou. Hein. Les frontières sont floues, en tous les cas. Oui. Like to take a semantic, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, have him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Compte fait, on pourrait dire que la main passe. David Bowie, grand britannique s'il en est, il part à New York, Olivier Julien, pour pouvoir rencontrer à la Factory ce qui est en train de se faire de ce côté-là, du côté de la Factory chez Andy Warhol. Il va y rencontrer Lou Reed, il va y croiser aussi d'autres personnes qui ensuite, à Berlin ou ailleurs, travailleront avec lui lorsqu'il partira plus tard à Berlin dans les années 80. Et là, on peut dire qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est la main qui passe, en tout cas, il y a aussi un aller-retour entre le territoire américain et le territoire britannique est assez intéressant. C'est le pop art. C'est vrai que j'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais finalement, on pourrait se dire qu'en suivant le parcours de David Bowie, on pourrait suivre le déplacement du centre de gravité du monde de la pop, de l'industrie pop, parce qu'il a toujours eu vraiment un nez tout à fait aiguisé. Oui, sur ça, Sarah Picard. Oui, parce que le pop art a démarré en Angleterre, hein, pas aux États-Unis. Hein. Pour une fois, les États-Unis ont suivi l'Angleterre. Et puis ensuite, évidemment, David Bowie partira du côté de l'Allemagne. Dernier petit mot là-dessus, puisque dans Pop Yoga, vous évoquez Brian Eno, David Bowie, parti aux États-Unis et revenant en Europe, mais s'installant pas dans sa ville d'origine, mais partant du côté de Berlin, justement. Alors, chez Bowie, le rapport à l'Allemagne, c'est aussi un rapport lié à l'exorcisme de la dimension hitlérienne de la pop musique. C'est parce que... Excusez-moi, j'avais peur de faire un point Godwin, mais c'est trop tard, c'est fait. c'est fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là chez Bowie, il y a une obsession sur cette question-là, la question du rapport entre être une star et être un fourreur. Mmh. Et c'est pas le seul, hein, les Residents aussi ont joué un truc par rapport à ça, dans Third Right and Roll. Et Serge Gainsbourg avec Rocker on the Bunker. Mmh. C'est trois avec figures. Avec d'autres raisons, en l'occurrence, pour Serge Gainsbourg. D'autres peut-être. Raisons biographiques, oui. Mais pas forcément d'autres raisons esthétiques. Il voit qu'il y a un rapport esthétique à régler, un truc esthétique à régler. Voilà, on pourra vous lire si on veut continuer la réflexion sur le passage de Bowie en Allemagne et pourquoi justement il voulait rompre avec la vision de la pop. Eh bien, on vous lira dans Pop Yoga, pas comme tellement. C'est donc votre recueil de chroniques chez Sonatine. Pour vous, Sarah Picard, on peut lire Les Anglais, donc dans la collection, très bonne collection Idées Reçues chez Cavalier Bleu. Il y a un petit chapitre qui est consacré justement à les Anglais ont-ils inventé la pop en l'occurrence. Et puis pour vous Olivier Julien, si on veut lire vos travaux, c'est dans des revues en l'occurrence en particulier. Pas seulement, on parlait tout à l'heure de Sgt Pepper, j'ai édité un ouvrage collectif international sur Sgt Pepper qui est disponible en anglais en 2009. Il est chez qui ? Ashgate, merci beaucoup. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Claire Maillot et Aurélie Marseille. Jacques Azubert était à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Et nous terminons avec Franck Zappa, Waka Jawaka. Si Si vous aussi, vous avez des lumières pour nous éclairer sur la notion de pop et de pop musique que nous avons tenté de cerner pendant toute cette semaine, n'hésitez pas à aller sur notre site internet et y laisser des contributions. Vous avez été nombreux à le faire depuis le début de la semaine, mais également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore à nous suivre sur Twitter.